إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc hier j'avais commencé cette conférence ou bien cette explication يعني du Cheikh Saleh Al-Fawzan الفئة الضالة ومنهجها et on n'a pas terminé en fait donc hier on avait juste eu le temps de lire la moitié environ donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui inshallah on va lire la suite de cette petite risale du Cheikh Saleh Al-Fawzan ok et le point où on est arrivé maintenant c'est al-amru bil-ijtina' wal-i'tisamu bi-hablillah c'est-à-dire l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir et de s'accrocher tous à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala le shaykh il dit salatul jama'a wa wahdatul muslimin c'est-à-dire la prière en groupe et l'union des musulmans قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فالاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى هو الوسيلة لنصرة الإسلام والمسلمين وقمع كيد الكائدين وهذا لا يتم إلا بطاعة ولاة أمور المسلمين ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور عند الاختلاف donc le chef il commence en mentionnant le verset 103 dans sourate Al Imran et il dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel Allah dit Et accrochez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Et souvenez-vous de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il a réuni vos cœurs et vous êtes devenus par sa grâce des frères. Et vous étiez sur le bord du feu et Allah subhanahu wa ta'ala vous en a sauvés. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala clarifie ces versets pour vous, pour que vous soyez guidés. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans ce verset de nous accrocher à son câble. Et les ulama de tafsir, ils ont expliqué que le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-kitab wa sunnah. Hein? C'est de s'accrocher au Coran et de s'accrocher à la sunnah. Et il dit, rappelez-vous de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous lorsque vous étiez des ennemis. Parce qu'avant l'islam, les musulmans, yani ceux qui étaient, avant qu'ils se convertissent à l'islam, il y avait entre eux des guerres, il y avait entre eux des disputes, il y avait tout le temps des problèmes entre eux. Par exemple, les Ansar, avant l'islam, hein, il y avait toujours des guerres entre eux. Al-Aws ou Al-Khazraj, ils se combattaient toujours. Et donc, lorsqu'ils sont devenus musulmans, ils sont devenus des frères, ok Et ça c'est grâce, et uniquement grâce à la au tawhid, hein, le fait qu'ils ont accepté le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qu'ils se sont réunis tous sur le Coran et la Sunna, et ils sont devenus par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala des frères, Ok, et donc le cheikh il explique et il dit que de s'unir sur la vérité, parce que quand on parle de s'unir, hein, il y a beaucoup parmi les musulmans aujourd'hui qui appellent les autres musulmans à s'unir. Ils disent il faut réunir les musulmans, sauf qu'ils ne veulent pas les réunir sur la vérité, ils veulent juste les réunir physiquement, n'importe comment, sur n'importe quoi. Ils disent gardez vos croyances, gardez vos idées, mais on se réunit tous pour une cause quelconque, sans spécifier, aucune condition, aucune règle. Donc le cheikh ici clarifie, et il dit que si on veut vraiment se réunir, c'est pas n'importe quelle union qui doit se produire, juste pour dire qu'on est tous rassemblés à un seul endroit et qu'on est physiquement ensemble, mais c'est pas suffisant. Il faut non seulement que nos corps soient réunis, qu'on soit physiquement ensemble, mais il faut qu'on soit réunis sur la vérité, sur le Coran et sur la Sunna, et sur, bien entendu, une bonne compréhension de ces deux textes, de ces deux références, c'est-à-dire une bonne compréhension du Coran et une bonne compréhension de la Sunna. Et cette bonne compréhension-là, ça ne peut qu'être que la compréhension des Sahaba, des Tabi'in et de ceux qui les ont suivis dans le bien, c'est-à-dire As-Salaf As-Salih. Hein, les bons prédécesseurs, les pieux prédécesseurs. Donc ça c'est l'exemple que le cheikh il nous donne ici. C'est-à-dire que si on veut se réunir entre musulmans, ce ne sera jamais possible tant qu'on n'a pas délimité les conditions de cette union. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de groupes parmi les groupes musulmans aujourd'hui refusent d'accepter. Hein, et c'est pour cette raison-là qu'ils ont toujours échoué. Et qu'ils continueront à échouer parce qu'ils n'ont pas accepté de prendre les bonnes conditions pour arriver à unir les musulmans. Et le cheikh il parle de at-ta'awun 'ala al-birri wa taqwa, c'est-à-dire qu'il faut s'entraider et coopérer ensemble, mais pas n'importe quoi et pas n'importe comment, mais sur al-birri wa taqwa, hein, sur le bien, hein, sur les bonnes choses et sur la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, le cheikh il dit que c'est le seul moyen si on veut arriver à la victoire de l'islam et des musulmans, et si on veut réellement arriver à détruire les ruses des gens qui complotent contre les musulmans et contre l'islam. Et ça, le cheikh il dit que c'est pas possible, excepté si on a appliqué ou on a respecté le principe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité de respecter, c'est-à-dire d'obéir les gens qui sont en charge des musulmans, qui ont une responsabilité sur les musulmans et qui sont au pouvoir, et de les écouter et de les obéir lorsqu'il y a des désaccords entre nous. Le cheikh dit « Wa'adha sallallahu alayhi wa sallam ashabahu mu'izatan balighatan zafarat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub faqalu ya Rasulullah كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأمر بالتمسك بأمرين عند هذه الاختلافات. الأمر الأول طاعة ولي الأمر أو ولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه، والأمر الثاني التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الذهاب إلى الآراء والأفكار والنحل التي تدس بين حين وآخر على المسلمين، وعندنا السنة النبوية. قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لشيخ يكسبلك إلديه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une exhortation aux sahaba. Et cette exhortation, elle était tellement touchante que les yeux des sahaba laissaient couler des larmes et leur cœur frémissait après avoir entendu cette exhortation. Et les Sahaba ont compris à la fin de cette exhortation du prophète sallallahu alayhi wa sallam que bientôt le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait les quitter et qu'il allait retourner vers son créateur. Alors ils ont dit au prophète, « Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, on dirait que tu es en train de nous faire un adieu, alors donne-nous un conseil. » Awsina. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, « Je vous incite ou je vous conseille ou je vous enjoins de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et je vous enjoins d'écouter l'ordre de vos dirigeants et d'obéir, même si celui qui est au pouvoir sur vous est un esclave. » Et il a dit, « Celui qui vivra après vous verra beaucoup de désaccords, de divergences. Soyez pas surpris aujourd'hui si vous voyez que parmi les musulmans il y a beaucoup de désaccords et de divergences, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis 1400 ans, il nous avait déjà avertis qu'il y allait avoir des désaccords et des divergences entre les musulmans. Mais il ne nous a pas laissé, en nous décrivant le problème, sans nous donner la réponse et la solution, le remède à ce problème. Et c'est pour ça qu'il a dit juste après avoir dit ça, « Fa'alaykum bi sunnati » Alors je vous enjoins de suivre ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à ces deux choses et mordez dedans avec vos molaires. C'est-à-dire, yani, c'est une image qu'il nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous faire comprendre que à quel point on doit rester accroché fortement, avec force à cette sunna et à la sunna du khulafa al-rashidin. Et remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas limité à dire « suivez ma sunna », mais il a également mentionné qu'on devait également suivre avec ça la sunna de ses khulafa al-rashidin. Et que si tu veux réellement suivre comme il faut et être sur la guidance et ne pas diverger, tu dois retourner à l'exemple des sahaba et en particulier al-khulafa al-rashidin. Et il a dit, accrochez-vous-y et mordez dedans. Et il a dit, prenez garde aux nouvelles choses dans la religion, les choses que les gens amènent qui sont nouvelles, qui ne faisaient pas partie de ce que je fais moi, ou bien de ce que faisaient les khulafa al-rashidin. Hein? Parce que chaque nouvelle chose qui est faite dans la religion, que ce soit dans les adorations, ou dans les croyances, ou dans les règles de la charia, toutes les nouvelles choses que vous amenez sont des bid'ah, c'est-à-dire des innovations, hein, et toute innovation est un égarement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le cheikh explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous accrocher à deux choses lorsqu'il y allait avoir des discordes et des désaccords entre nous. La première chose, d'obéir aux dirigeants des musulmans et de ne pas sortir contre eux, de se rebeller ou d'appeler à la rébellion ou à la révolte contre les dirigeants. Ça c'est la première chose. Parce que ça c'est une chose qui divise la Ummah, qui divise les musulmans. Et la deuxième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé, c'est de nous accrocher à la sunna de son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'abandonner le fait de se retourner vers les opinions des gens ou leurs pensées, ou de se retourner vers les opinions ou les idées des sectes qui sont répandues de temps à autre parmi les musulmans. Nous avons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna qu'il nous a laissée, et il a dit dans un autre hadith qui est rapporté selon Ibn Majah, et l'imam Ahmad l'a rapporté également, il a dit, je vous ai laissé sur une clarté. Son jour et sa nuit sont égales, c'est-à-dire la nuit et le jour, c'est c'est comme si c'était égal, c'est-à-dire tellement c'est clair, tu ne peux pas faire de distinction entre le jour et la nuit, tellement c'est clair dans la guidance. Et celui qui s'en écarte de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé, eh bien il ne peut que périr ou se perdre. Hein. Et donc le cheikh il continue en disant « Fat tafarruq yuhsamu bil ijtima'i ala ta'ati wali amri muslimin » والاختلاف يحسن بالرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى رأي فلان وقول فلان فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معصومة لا يتطرق إليها الخطأ كما قال القرآن كما أن القرآن أيضا لا يتطرق إليه خطأ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Le cheikh il dit que si on se réunit autour de nos dirigeants musulmans, ça va venir effacer ou annuler la division qui existe entre nous. Et si, lorsqu'on a une division, on le ramène au prophète et à la sunna, et non pas aux opinions d'un tel ou d'un tel, eh bien ça aussi, ça va éliminer cette division et cette discorde qui existe entre nous, parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est protégée de l'erreur. Le cheikh dit que également le Coran est protégé de l'erreur, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 42 dans sourate Fussilat, le faux ne peut pas l'approcher ni par devant ni par derrière, c'est une révélation qui vient d'un sage digne de louange. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit le cheikh ensuite, والنبي لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالاعتصام بالكتاب والسنة هما النجاة من الفتن والأفكار المنحرفة الضالة. Cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, il ne parle pas selon ses passions et ses désirs. Hein, il ne parle pas comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Najm le verset 3 et 4, il ne parle pas selon ses désirs ou selon sa passion, c'est uniquement une révélation qui lui est révélée. C'est pas comme ceux qui disent par exemple, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça s'appliquait uniquement à son époque, à l'époque des chameaux et des ânes, et aujourd'hui on est dans l'ère moderne, on est allé sur la lune, donc il ne faut plus se référer au Coran et à la Sunna, il faut maintenant mettre ça de côté et suivre nos propres opinions et nos propres idées. Ça c'est les idées des gens qui appellent à l'égarement, ils essaient de dénigrer et de rabaisser le Coran et la Sunna. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de lui-même, qu'est-ce qu'il dit, c'est la parole que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de dire. Ce n'est pas une parole qu'il dit de lui-même. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est parmi ses attributs, c'est qu'il est al-alim. Ça veut dire qu'il a toute la connaissance du passé, du présent, de l'avenir. Il sait ce qui se passe en l'an 2000, il le savait depuis avant même d'avoir créé les cieux et la terre, et il sait ce qui va se passer en l'an 5000 si Allah a décidé que la terre va exister jusqu'à cette période. Et il sait l'avenir et le passé, donc s'il a révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis dans le Coran les règles qui pouvaient s'appliquer jusqu'à la fin des temps. Et ça c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'elles lui sont inspirées et révélées par celui qui connaît le passé et l'avenir et qui sait toutes choses, il est capable également de révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam des règles et des principes qui sont applicables jusqu'à la fin des temps. Et si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu que cette révélation, que cette religion change lorsqu'on arrive à 1400 ans ou 1500 ans après lui, il aurait révélé un verset où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait prononcé et il aurait dit lorsque vous arrivez en 1429 ou en 1500, vous pouvez changer telle ou telle ou telle règle. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit cette révélation, elle est bonne jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Et donc, ceux qui appellent ou qui disent qu'on doit changer l'islam, ou changer la compréhension de l'islam parce qu'on est dans une nouvelle époque, c'est des gens qui veulent appeler les gens à dévier et à s'égarer de l'islam. C'est des gens qui croient qu'on a besoin de nouveaux prophètes, hein, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas amené ce qui est suffisant pour nous. Et ça, c'est clair que c'est une forme d'égarement et une grande forme d'ignorance. Donc le cheikh, il l'explique et il dit que, donc, de s'accrocher au Coran et à la Sunna, c'est la seule chose qui peut nous sauver de toutes les fitanes, toutes les problèmes et les tentations et le désordre qui peut se produire dans notre Ummah. Tandis que les autres idées ou idéologies ou formes de pensée dont je vous ai mentionné quelques exemples tout à l'heure, et bien ça c'est les choses qui amènent la Ummah au contraire à augmenter dans la division et dans l'égarement. Cheikh il dit ensuite, وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى يَقُولُ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ça c'est le verset 59 dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans ce verset, il nous explique un principe en fait qui est un des principes les plus importants dans la compréhension de l'islam. C'est que si on diverge dans quoi que ce soit dans la religion, dans les choses de la dunya, que ce soit dans les affaires qui sont grandes ou dans les affaires qui sont moins importantes, qu'il faut les ramener à Allah et au messager, si on croit réellement à Allah et au jour dernier. Donc c'est une condition que Allah explique ici, c'est qu'il dit que si réellement vous croyez en Allah, réellement vous croyez au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand vous divergez, ramenez-le à Allah et à son messager. Ça veut dire quoi ça, cette condition-là? Ça veut dire que celui que lorsqu'il diverge, il ne ramène pas la divergence à Allah et à son messager, il n'a pas réellement cru à Allah et au jour dernier. Ça c'est ce que ça veut dire. Hein? Et il dit, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. De faire ça, de ramener la divergence à Allah et à son messager, et aujourd'hui ça implique quoi? Ça implique de ramener la divergence au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on applique ce principe-là, ce sera meilleur et d'une meilleure interprétation ou compréhension. Le cheikh dit, فَلَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لُبِّسَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ رجعوا إلى علمائهم ورجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما توغل عليهم هذا الفكر المنحرف، ولكنهم بالعكس اغتروا بهذه الأفكار وظنوها حقا واستنصحوا الخائنين وتركوا الأمماء فصار مصيرهم كما ترون وكما تسمعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. Le cheikh il dit que si, yani, ceux-là, yani ceux dont on a parlé hier, ceux qui ont dévié dans la compréhension de l'islam, dans la compréhension du Coran et de la Sunna, et qui se sont mis à sortir contre leur gouvernement musulmans et à prendre les armes contre eux et à faire des gestes de terrorisme, à faire exploser les bâtiments, à tuer les innocents, les femmes, les enfants et les vieillards, les musulmans parmi eux et les koufars qui ont une entente de paix avec les musulmans et avec les pays musulmans, si le cheikh il dit, s'ils avaient ramené leurs problèmes et les questions dans lesquelles ils ont eu des problèmes à comprendre la réalité, s'ils avaient ramené ces questions-là aux ulama de l'islam, les savants de la Ummah, s'ils avaient ramené les questions qu'ils avaient au Coran et à la Sunna, ils ne seraient pas tombés dans les idées déviées qu'ils ont adoptées par la suite. Mais au contraire, malheureusement, ils se sont laissés tromper par ces idées et ils ont cru que c'était la vérité et ils ont fait confiance aux traîtres et ils ont abandonné les gens honnêtes qui voulaient les conseiller du bien, et leur destination a été celle que vous avez vue et que vous avez entendue. ولا حول ولا قوة إلا بالله إننا لا نستغرب إذا حصل هذا في بلاد الكفار ومن شباب الكفار مع دولهم ففيها الإرهاب وفيها التخريب ولكن لا نستغرب هذا لأنهم ليسوا على دين وليس لهم مرجع يرجعون إليه من كتاب الله وسنة رسوله أما المسلمون فيستغرب منهم هذا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعندهم العلماء الربانيون الذين يدلون على الخير ويرجعون الأمور إلى مراجعها الصحيحة كما قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيخ يسكي لكبليكيسي يقول on serait pas étonné si ces choses-là se produisaient dans les pays des kuffars et que ça se produisait de la part des jeunes parmi les kuffars. Ici, les jeunes kuffars parmi les chrétiens, les juifs, les athées et les autres, ils font des actes de terrorisme contre leur propre pays, ça c'est pas étonnant. Parce qu'ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de sunna, ils n'ont pas de kitab qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont dans l'égarement. Et là, on les voit qui font des actes de terrorisme, de vandalisme, qui détruisent, qui brisent tout autour d'eux, qui se révoltent, et qui pensent que ça c'est de bien faire, et que ça c'est la force. Et que c'est ça, la justice, d'utiliser ces moyens-là pour, soi-disant, rétablir l'équilibre et la justice dans le monde. Ça, c'est les kuffars qui font ça, les communistes, les socialistes, ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef, il dit, si c'était de la part de ces gens-là qu'on voyait des choses pareilles, on ne serait pas étonné. Mais de voir que des musulmans commettent des gestes pareils, et ça c'est quelque chose de très étonnant, parce que parmi eux il y a le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont parmi eux des ulama qui les éduquent et qui leur enseignent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui les indiquent, qui les orientent vers le bien, et ces ulama ramènent les affaires et les questions à leur bonne référence, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Et ça, c'est ce qui est obligatoire de faire pour nous, en tant que musulmans, lorsqu'on a des désaccords, de ramener nos problèmes et nos questions aux ulama. Malheureusement, peu d'entre nous ont fait ça. Et c'est pour ça qu'on a le problème par la suite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset 83 dans Surat An-Nisa, s'il leur vient une information au sujet de quelque chose qui a rapport avec la sécurité ou la crainte, ils le diffusent. Mais s'ils l'avaient ramené à Allah, s'ils l'avaient ramené au messager et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement parmi eux, ceux qui savent comment déduire les jugements et les verdicts auraient pu le connaître et le comprendre et leur donner la bonne réponse, comment agir et comment faire dans ces circonstances et dans ces différentes situations-là. Et si ce n'était pas de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous et de sa miséricorde, la plupart d'entre vous, vous auriez suivi le shaytan. La taba'atum shaytan illa qalila. Le shaykh il dit donc, فَيَجِبُ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ لأن أولي الأمر هم الولاة والعلماء يرجع إليهم، والولاة من ناحية السياسة والعلماء من ناحية المسائل الفقهية والعلمية، فيرجع إليهم فهم ينهون المشكلات بإذن الله، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم Le cheikh il explique, il dit que c'est obligatoire pour nous de ramener les problèmes et les divergences qu'on a aux ulama. Le cheikh il dit en particulier que ulil amr, quand on entend dans le verset ولو ردوه الى الرسول واولي الامر اي dans l'autre verset qu'on a lu tout à l'heure فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وبي dans l'autre verset encore يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم donc ça c'est le début du verset ça c'est à dire اولي الامر le cheikh il dit que c'est deux catégories de personnes ولات الامور sont de deux catégories de personnes les ulama, les savants de l'islam, et al-umara, les dirigeants de la umma, ceux qui dirigent les musulmans. Ça, c'est les deux qui rentrent dans la catégorie de ceux qu'on appelle ulil amr, hein, ceux qui détiennent le commandement parmi la umma. Donc, il dit que les dirigeants politiques, eux, ils s'occupent des questions politiques, et les ulama, ils s'occupent, eux, de répondre sur les questions qui ont rapport aux problèmes dans le fiqh et dans l'ilm de l'islam. Et les ulama, inshallah, si on retourne les problèmes à eux, ou aux dirigeants parmi les musulmans, avec la permission d'Allah, ça va faire terminer les problèmes, ça va arrêter le problème qui existe, et les divergences. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 83 dans Surah An-Nisa, et s'il le ramenait au messager, et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement. والرد الى الرسول بعد وفاته هو الرد الى سنته كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Et de ramener les choses aux messagers, ça veut dire quoi? Ça veut dire de le ramener à la sunna, à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, et je vous incite, je vous enjoins de suivre ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et le cheikh il dit, وَلَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الشَّبَابِ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَرَدَّهُمْ إِلَى الصَّوَابِ لَوْ أَنَّهُمْ رَجَعُوا إِلَى عُلَمَائِهِمْ وَإِلَى كِتَابِ رَبِّهِمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَأَخَذُوا بِمَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ عُلَمَاؤُهُمْ أَخْذًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا رجع إلى الجادة الصحيحة دين الإسلام دين الاجتماع في كل الأحوال لشيخ الذكر encore une fois et c'est pour mettre de l'importance et pour répéter encore une fois le principe très important que si les jeunes que Allah les guide et les ramène à la position correcte s'ils avaient ramené leurs problèmes aux ulama, au livre d'Allah et à la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils avaient pris ce que les ulama leur ont montré ou indiqué de suivre en se basant sur le Coran et sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils seraient revenus à la voie droite, la religion de l'islam, la religion qui appelle à l'unité dans toutes les situations. في العبادات أمر الله بالاجتماع فأمر الله جل وعلا بصلاة الجماعة في الفرائض خلف إمام واحد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الجماعة عن ترك صلاة الجماعة وحث على صلاة الجماعة من أجل أن يتعود أو نعم يتعود المسلم على الاجتماع مع إخوانه والائتلاف ويتربى على طاعة القيادة الإسلامية. Le cheikh il dit quoi? Il dit que dans les questions d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, par exemple aux musulmans, de prier en groupe, les prières obligatoires, derrière un seul imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'abandonner la prière en groupe. Et il a incité les gens à faire la prière en jama'a, en groupe, pour que les musulmans s'habituent d'être réunis avec leurs frères, et puis pour qu'ils développent de l'affection et de l'amour les uns pour les autres. Et pour qu'ils soient éduqués dans l'obéissance de ceux qui sont à la tête des musulmans, et qui ont la responsabilité et qui sont en charge de la Ummah. Lorsqu'on prie derrière l'imam, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dépasser l'imam durant la salat. Donc ça c'est pour nous éduquer et pour nous habituer à obéir à celui qui est à notre tête. Le cheikh dit al-muslimoun jasadun wahid wa bunyanun wahid. صلاة الجماعة فيها تربية للشباب ولغيرهم على الاجتماع والائتلاف فإذا تكرر هذا في اليوم والليلة 5 مرات أثر هذا في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي تفكيرهم وسأل بعضهم بعضا وتآلفوا وتعاونوا لشيخ الذكر المسلمين sont un seul corps, une seule construction comme un mur, et que la prière en groupe, c'est une éducation pour les jeunes et pour les autres à se réunir et à développer des liens de fraternité et d'affection entre eux. Et lorsqu'ils répètent cette prière en jama'a 5 fois par jour, durant le jour et la nuit, 5 fois, ça a un effet par la suite sur leur comportement, sur leur attitude. Hein? Et ça affecte aussi leur pensée et leur façon de voir le monde, leur façon de voir les choses. Et ils se demandent les uns aux autres, et ils se demandent comment ils vont les uns les autres, et ils créent des liens d'affection et ils s'entraident. Et ça c'est triste, que souvent ici dans les pays comme par exemple en France, ou même dans certains pays musulmans parfois, peu de gens donnent d'importance à la salat en jama'a. Dans certains pays musulmans, quand c'est l'heure de la salat, les musulmans ils ne ferment pas leurs magasins pour aller faire la salat. Ils gardent leurs magasins ouverts. Donc ils entendent le adhan et ils laissent le magasin ouvert. Peut-être qu'ils vont laisser un employé à l'intérieur, ils vont aller prier, puis ils vont revenir. Ou bien même parfois, bon, Allahu a'lam. Donc ça c'est la situation, on se voit dans les rues, donc les gens entendent le adhan, les gens continuent à rentrer, sortir des magasins comme si rien n'était. Hein? Ils ont perdu l'importance de Salatul Jama'a. Et ici en France ou au Canada ou n'importe quel autre pays non musulman, tout le monde a des excuses parce qu'on dit ah, on ne peut pas, on travaille loin de la mosquée, étant donné qu'on travaille loin de la mosquée, on est obligé de prier. Au travail, si on va à l'école, on est à l'université, on est obligé de prier à l'université, on ne peut pas prier à la mosquée. Hein? Mais toutefois, comme on dit, même si on n'est pas à la mosquée, il faut quand même essayer au moins de prier en jama'a. Si on est au travail, si c'est possible, il y a plusieurs musulmans qui sont là-bas, d'essayer d'établir la salat en jama'a, pas prier tout seul, hein? Si c'est possible. Si c'est pas possible, ça fait partie des problèmes. C'est des conséquences du fait qu'on vit dans une société comme ici et qu'on est contraint à toutes sortes de difficultés dans l'application des obligations de notre religion. Hein? Donc, en fait, aussi ça fait partie du fait que les musulmans, ils s'entraident très peu les uns les autres sur les questions économiques, sur les questions de travail et autres. Et c'est pour cette raison-là que si on était par exemple capable de, réellement si on était unis sur notre aqida, sur notre manhaj, sur notre façon de comprendre l'islam comme il faut, et qu'on était réellement sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on se décidait à travailler pour essayer d'être plus fort économiquement aussi, eh bien ce serait beaucoup plus facile pour nous d'établir les ordres et les obligations de notre religion. Mais jusqu'à maintenant, bon, on a beaucoup de travail à faire sur ce plan-là. Donc, toutes les explications que le cheikh il nous donne, c'est pour nous faire comprendre de l'importance de l'effet de la jama'a et de la prière en groupe. Maintenant, par exemple, il y a des musulmans qui pensent que c'est juste à Mecca et à Medina qu'on est obligé de fermer les magasins avant la salat. Mais que dans les autres pays musulmans, c'est pas obligatoire. C'est pas important. Et ça, c'est une mauvaise compréhension. Hein? Des fois, il y a une mosquée juste en face. Et le frère, il a son magasin juste en face. Quand c'est l'heure de la prière, il ne vient pas. fonctionne pas son magasin. Et comme j'ai posé la question au cheikh, comment il s'appelle, Salah Ismail Mundakar, quand il était à Birmingham, en Angleterre, je lui ai posé la question à ce sujet-là. Il dit, cheikh, il y a des frères qui ont des magasins juste en face de la mosquée. Et ils ne sont pas le magasin pour venir faire la salat en diamant. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet-là? Et le cheikh, il m'a dit, si le frère qui a son magasin juste en face de la mosquée, s'il commence à fermer son magasin, il aura la récompense. Et peut-être qu'après lui, il y aura d'autres gens qui vont commencer à le faire et qui va commencer une sunna hasana. Et qu'après ça, il aura la récompense pour tous ceux qui vont imiter son exemple. Et donc ça, c'est la réponse que le cheikh m'a donnée à ce sujet-là. Donc c'est très important, et allez, de voir à faire ça. Et on va voir par la suite, comme le cheikh il dit, l'effet que ça va avoir sur nous. Maintenant, en d'autres situations, et allez, peu d'entre les musulmans sont capables d'établir les cinq prières en jama'a dans la mosquée. Hein? Le cheikh il dit, أما لو صلى كل واحد منفردا أو هرب عن المساجد فإن الشيطان يلزي قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية شيخ الزكوة يلزي que si chacun d'entre vous priez séparément, individuellement, et que tout le monde commence à s'enfuir de la des mosquées, eh bien, le shaitan, il va être capable facilement de vous attraper puis de vous faire dévier, en fait. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alaykum bil jama'a, accrochez-vous, restez en groupe, restez en jama'a, parce que le loup, lorsqu'il veut manger une des chèvres ou un des moutons dans le troupeau, il prend toujours celui qui s'est éloigné. Hein? Donc c'est facile pour lui de l'attraper. Les musulmans qui restent éloignés des musulmans, qui reste loin de la jama'a, ben le shaitan il l'attrape facilement, comme le loup attrape le mouton qui est loin du troupeau. Le shaykh il dit, ولهذا تجد هؤلاء الضالين المنحرفين يفرون من المساجد حتى اعترفوا انهم لا يصلون جمعة ولا جماعة ينفرون من المجتمع ومن المساجد وهذه نتيجة نفورهم من المساجد ومن الالتقاء بالمسلمين واستماع الدروس والمحاضرات وتلقي العلم في بيوت الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Le cheikh il dit que la plupart de ces groupes, de ces gens qui sont déviés, qui appellent au takfir, qui suivent la voie des khawarij, tu les vois qu'ils s'éloignent tout le temps des mosquées. Ils ne prient pas le jumu'ah parfois, même pas le jama'a, parce que peut-être même ils croient que l'imam est kafir. Hein, ou que les gens sont des koufars, hein, qui ne veulent pas se mélanger avec les autres musulmans. Et ils s'enfuient de la société musulmane et des mosquées. Hein, le cheikh, là, il parle des exemples dans les pays musulmans en particulier. Mais même ici, des fois, on peut voir des exemples de ce genre. Et donc, il dit, ça c'est le résultat du fait qu'ils s'enfuient des mosquées et qu'ils ne veulent pas se réunir avec leurs frères musulmans et écouter les durus et les conférences et de chercher la science dans les mosquées d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que les mosquées d'Allah, c'est les endroits où Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'on mentionne son rappel et qu'on mentionne son nom. Ça c'est dans verset 37 dans surat An-Nur. Il dit « Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah » ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est un des grands hadiths, si on considère le fait que l'importance de rechercher la science de l'islam et d'apprendre l'islam. Le cheikh il dit, il n'y a pas parmi les gens, lorsque des gens se réunissent dans la mosquée pour apprendre quelque chose qui a rapport avec Allah et avec sa religion, qu'est-ce qui arrive lorsqu'ils se réunissent pour réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils se réunissent pour étudier l'islam, qu'est-ce qui arrive? La sakina descend sur eux, la tranquillité descend sur eux, la sérénité et ils sont enveloppés par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les anges viennent les recouvrir, et ils sont mentionnés auprès d'Allah, ou ils sont mentionnés par Allah auprès de ceux qui sont auprès de lui. Donc ça c'est inshallah notre situation en ce moment. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il applique sur nous les exemples qui sont mentionnés dans ce hadith. شيخ الدهاء لا ينفرون من المساجد وإلى السرداب المظلمة وإلى الكهوف البعيدة ينفرون من الاجتماع بأهل الإيمان وأهل العلم إلى الاجتماع بأهل الزيغ وأهل الضلال وأهل الأفكار المنحرفة وهذه النتيجة هي النتيجة وهذا هو الحصاد. الشيخ يتبليك. Donc ces gens-là, ils préfèrent se réunir dans des endroits sombres et dans des endroits éloignés, et ils s'éloignent des gens qui ont l'iman et qui ont l'ilm, et ils préfèrent se réunir avec les gens déviés, les gens de l'égarement, les gens qui ont des idées déviées, et ça c'est le résultat du fait qu'ils s'éloignent de la jama'a. Le cheikh il dit « كذلك من أسباب الاجتماع طاعة ولي أمر المسلمين قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حصول النزاع والاختلاف لا بد منه، ولكن يحسم هذا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ويكون هذا على أيدي أهل العلم العارفين بكتاب الله وسنة رسوله، ويرجع إليهم في حل النزاع على ضوء الكتاب أو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمؤمن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ويأخذ ما دل عليه الدليل الصحيح هذا المؤمن، أما غير المؤمن فإنه لا يرجع إلى الكتاب والسنة، وإنما يرجع إلى هواه ويرجع إلى ذوقه، ويرجع إلى أهل الإيمان، لا يرجع إلى العلماء، وإنما يرجع إلى أنظمة الأحزاب والجماعات، لا يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il mentionne encore une fois que parmi les causes qui amènent l'union et qui fait que les musulmans se réunissent, c'est le fait qu'ils obéissent aux dirigeants des musulmans. Et de nos jours, ça c'est un principe que beaucoup des musulmans ont ignoré, hein. Alors qu'en fait, ça fait partie des fondements les plus importants parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Si vous retournez à tous les livres, parmi les livres qui ont été écrits sur l'Aqidah, parmi les imams des premiers siècles d'Islam, les imams qui ont réfuté les gens de Bid'ah, que ce soit Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad, Sharh Usul al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith, de l'imam al-Sabouni, al-Sharia de l'imam al-Ajurri, yani al-Sunna du fait de l'imam Ahmed, et al-Sunna de l'imam al-Khalal, ou bien al-Afsahani dans son livre al-Sunna, yani tous ces livres-là des imams et des a'immas qui ont écrit des livres sur l'Aqidah et qui ont réfuté les gens de Bid'ah, comme les Khawarij, les Mu'tazila et les autres, ils ont tous mentionné ce principe. Que c'est obligatoire pour les musulmans d'écouter et d'obéir aux dirigeants des musulmans, même s'ils sont pervers, même s'ils sont injustes, même s'ils font de l'oppression, même si, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'ils frappent ton dos, même s'ils volent tes biens, écoute et obéis. Hein? Mais ça, c'est un principe qui a été caché par beaucoup de gens parmi les gens de Bid'a d'aujourd'hui, parmi des groupes et des jama'at, qui ont basé leur programme sur l'opposition aux dirigeants et aux gens qui sont au pouvoir dans les pays musulmans. Étant donné qu'ils ont établi leur système et leur programme sur cette idée, c'est normal qu'ils ne veulent pas que les musulmans sachent ces principes-là qui sont mentionnés dans la plupart des hadiths, dans une vingtaine de hadiths, dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous retournez à Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, vous trouvez une vingtaine, même peut-être plus, même une trentaine de hadiths uniquement sur ce sujet. Dans Kitab al-Imara et dans d'autres sujets, dans d'autres chapitres également, dans le livre de l'imam al-Bukhari, dans l'imam Muslim, et sans compter les autres livres de hadiths comme Sunan et les autres livres de Aqidah dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un ijma à ce sujet-là. Il y a un consensus des imams al-Sunnah et al-Jama'ah sur ce fondement-là. Ceux qui ont divergé à ce sujet-là, c'est uniquement les gens de Bid'a parmi les Khawarij et les Mu'tazila et ceux qui les ont suivis parmi les groupes contemporains qui sont à la mode et qui sont propagés actuellement dans les pays musulmans et les pays non musulmans, les groupes politiques et les partis qui appellent les musulmans à se rebeller ou à se révolter ou à renverser ou à prendre le pouvoir, qui divisent les musulmans en formant des partis et des organisations politiques. Au lieu de réunir les musulmans et de les rappeler à se réunir autour de leurs dirigeants et de donner la fiha aux dirigeants selon la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé de le faire, au lieu de faire des dissensions et des fitnas, parce que ça aide uniquement les kuffars. Quand les musulmans sont contre leurs dirigeants et qu'ils font les fitnas avec ceux qui sont au pouvoir, ça augmente la pression et la force que les kuffars ont sur nos dirigeants, parce qu'ils ne peuvent plus contrôler ou gérer la situation, et donc les kuffars en profitent pour leur mettre plein de conditions et pour les contrôler et les manipuler. Donc ils profitent des fitnas qui se produisent pour créer des déstabilisations dans les pays musulmans et pour affaiblir les musulmans sur le plan politique, sur le plan économique. Donc si les musulmans se réunissent autour de ceux qui sont au pouvoir dans leur pays et qu'ils les rappellent et qu'ils les obéissent dans le bien, quand on dit, les ulama ils ont bien spécifié, il n'y a pas à tout faire ma'ruf, l'obéissance n'est que dans le bien. On ne dit pas que s'il te dit buvez de l'alcool, faites le zina, que vous devez les obéir. Non, là vous êtes interdit de les obéir dans ces choses-là. Sauf que dans les autres questions qui ont rapport avec le bien et qui sont pas interdites dans l'islam, vous les écoutez et vous les obéissez pour le bien, pour l'union. Parce que comme les ulama et les salaf ont expliqué, c'est mieux, d'endurer et de faire preuve de patience un dirigeant qui est injuste, mais qu'on reste unis, que de se révolter et de penser qu'on va arriver à établir quelconque justice alors qu'on va être divisé et qu'il va y avoir le chaos et le désordre dans la société. Et des fois on veut remplacer quelqu'un qui est mauvais par quelqu'un d'autre et on ne sait jamais si celui qui va prendre sa place ne va pas être pire que lui. Et lorsqu'on fait preuve d'endurance et de patience, c'est là que vient Al-Faraj, c'est là que vient le succès et la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on fait preuve de patience et d'endurance. Donc c'est ça qui est important de comprendre, et le chef il rappelle encore le principe, Allah il dit « obéissez à Allah et obéissez au messager » et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier, ce sera meilleur, et une meilleure compréhension, une meilleure conclusion pour vous. Donc il faut, le chef dit, c'est obligatoire qu'il va y avoir des divisions. C'est obligatoire qu'il va y avoir des désaccords, des disputes. Toutefois, comment régler ces disputes? C'est de retourner au livre d'Allah et à la sunna du messager. Pensez pas, il n'y a pas d'utopie là, on ne peut pas rêver non plus. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas de problème entre nous, de divergence ou de désaccord. Ça, c'est certain qu'il va y en avoir. Mais il y a des solutions pour les régler, et c'est de retourner à ce qu'Allah nous a ordonné de suivre. Et si on fait ça, si on retourne aux ulama aussi, qui connaissent le Coran et la sunna, lorsqu'on a des divergences, pour qu'ils règlent les problèmes selon à la lumière du Coran et de la Sunna, c'est certain qu'on aura, Inch'Allah, la bonne solution et la bonne conclusion. Donc le musulman, il ramène les problèmes et les divergences à Allah et au messager, et il prend ce qui est établi par la preuve authentique à ce sujet-là. Ça, c'est le musulman croyant. Toutefois, celui qui n'est pas croyant, lui, il ne retourne pas au livre d'Allah et à la Sunnah. Mais il retourne à quoi? Il retourne à sa passion. Il retourne à quoi? Il retourne à ses goûts personnels. Il retourne à quoi? Il retourne aux gens d'égarement. Il ne retourne pas aux ulama. Il retourne aux groupes et aux organisations. Hein? Il ne retourne jamais au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est les exemples que le cheikh il a mentionné. Il dit ouais, هذه أسباب انشراح هذه الفئة الضالة أنها تركت الوصايا الإلهية وصايا الله ووصايا رسوله صلى الله عليه وسلم فانعزلوا وانخذلوا وانحازوا إلى أعدائهم وهذا من العجاب أنك تنحاز إلى عدوك وأنت مسلم. الشيخ المنصر البويتي فسي لا raison pourquoi tu vois l'égarement de ce groupe qui a dévié. Ils ont abandonné les conseils d'Allah subhanahu wa ta'ala et les conseils du messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'ils ont, qu'ils se sont déviés et qu'ils se sont éloignés et qu'ils se sont tournés même vers leurs ennemis. Et ça, c'est étonnant. Et ça, c'est ce qu'on remarque même. La plupart des gens dans les pays musulmans qui ont ces idées-là, où est-ce qu'ils vont pour se tourner, pour avoir le refuge? Ils se retournent dans les pays de kufr. Ils se retournent dans les pays non musulmans pour chercher la protection. Hein? Donc ça c'est incroyable. Et ça c'est un des signes, comme les ulama ont dit, que ces gens-là en réalité, c'est uniquement les ennemis de l'islam qui les utilisent. Comme des cancers qui les envoient dans les pays musulmans pour qu'ils attaquent l'islam par l'intérieur, pour qu'ils salissent l'image des musulmans. Hein? Donc le cheikh il dit « Al-Muslim yakoun ma al-Muslimin » Le musulman il reste avec les musulmans. Ça c'est la base. « Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wa kunu ma as-sadiqin » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh vous qui avez cru » Croyez en Allah, ou craignez Allah, et restez avec les gens véridiques, avec les sincères, avec les mu'minines, avec les croyants. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on remarque quand on observe la situation. Il y a beaucoup de groupes comme ça. Nous on est venus, ils disent on est venus ici se réfugier parce que dans nos pays on a été oppressés, on a eu des problèmes, on est venus ici pour avoir la justice. Et bien, subhanallah, beaucoup d'entre ces groupes-là, qui sont ici, qui agissent comme de cette façon-là, ils ont été chassés de leur pays uniquement parce qu'ils ont fait la fitna dans leur pays. Ils ont opposé les dirigeants. Ils ont créé la fitna. Et à cause de ça, c'est normal qu'ils ont subi les conséquences de leurs actions. Et pour trouver, un refuge, ils sont tournés vers qui? Vers les non-musulmans. Et ils essaient de comparer ça à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé les sahaba à Al-Habasha, en Éthiopie. Mais à l'époque, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les sahaba en Éthiopie, il n'y avait pas encore un État islamique. Il n'y avait pas encore un pays musulman. Après, quand il y a eu l'Hijra al-Madina, et que le musulman a établi l'islam al-Madina, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les sahaba faire l'Hijra dans un autre pays non musulman? Non. Et les pays musulmans actuellement, ne sont pas des pays kufr. Donc comment tu vas quitter le pays musulman pour aller faire l'Hijra dans un pays non musulman? Donc il y a beaucoup de gens qui ont renversé la situation, et qui sont venus soi-disant se réfugier dans les pays non musulmans pour se protéger des gouvernements. Et si vous regardez même à l'époque de l'imam Ahmad, qui s'est fait battre et torturer par les Mubtadi'a, parmi les Mu'tazila à l'époque, est-ce qu'il a dit je vais m'enfuir de l'État islamique, je vais m'enfuir du Khalifa, je vais aller me réfugier chez les chrétiens et les juifs? Wa alaykoum salam. Est-ce que vous avez vu quand Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il a été emprisonné, hein, à son époque, est-ce qu'il a dit ah, je vais m'enfuir, je vais partir chez les chrétiens pour me réfugier contre le Khalifa parce qu'il veut me faire emprisonner, hein? Et donc il y a un cheikh qui disait ça justement, c'est Cheikh Rabi al-Madkhali, il disait c'est mieux donc dans ce cas-là de rester en prison dans un pays musulman que de rester dans un pays non musulman en liberté. Mais vous voyez, des fois les balances sont pas ajustées à la même mesure, hein. Des fois le zéro est pas à zéro, et donc quand on pèse les choses, on trouve pas la bonne mesure de notre foi, hein. Donc le cheikh il dit ثم قال جل وعلا ذلك خير الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر خير من مخالفة الكتاب والسنة ومن معصية ولاة أمور المسلمين وأحسن تأويلا أحسن مآلا وعاقبة على المسلمين طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمور المسلمين تؤول إلى خير وإلى عاقبة حميدة. Donc le cheikh il dit quoi? Allah a dit ذلك خير. Il dit si vous ramenez les choses à Allah et au messager, au livre et à la sunna, c'est mieux, c'est quelque chose de meilleur. C'est-à-dire de ramener les choses à Allah, c'est au livre d'Allah et à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'on doit obéir à Allah, on doit obéir au messager, et on doit obéir aux dirigeants. Et que ça c'est mieux. C'est mieux que de s'opposer ou de contredire le Coran et la Sunna, et de désobéir aux dirigeants des musulmans. Wa ahsanu ta'wilan, ahsanu ma'alan, wa aqibatan ala muslimin. Ce sera une meilleure conclusion pour les musulmans, d'obéir à Allah et au messager. Et parfois, pour terminer, il y a beaucoup de musulmans parfois, Allah musta'an, ils s'imaginent que s'ils obéissent à Allah et aux messagers, ça va retomber mal, ça va leur ramener du mal, que ça va être mauvais pour eux. Et ils croient que le bonheur, c'est de désobéir à Allah et aux messagers. Ils croient que le bonheur, c'est de contredire le Coran et la Sunna. Et que d'obéir au Coran et à la Sunna, ça va leur amener le malheur dans leur vie. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont rien compris, hein. Parce qu'ils jugent les choses d'une façon superficielle. Ils se basent juste sur l'apparence de la dunya. Mais ils ne regardent pas les choses dans leur profondeur et dans leur réalité. Parce que celui qui obéit à Allah, Allah, qu'est-ce qu'il dit? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Celui qui obéit à Allah et à son messager, il a certes eu le succès ou la réussite, la plus grande forme de réussite qui peut exister. Hein? Même si aux yeux des autres, aux yeux des gens, il est perdant. Même si aux yeux des gens, c'est un minable, c'est un vaurien. Donc, ça c'est la leçon qu'on doit comprendre de tout ça. Donc, je pense que la prière d'Aïcha, c'est dans 5 minutes. Ça y est. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On espère que qu'est-ce qu'on a mentionné des exemples du Cheikh Saleh Al-Fawzan vont nous être suffisantes, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de guidance dans ces paroles-là, il y a beaucoup de lumière. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre parmi ceux qui, comme il dit, yastami'un al-qawl, fayattabi'un ahsana, qui entendent la parole et qui suivent. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans ces paroles-là? وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خيرا.